Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, que j'ai intitulé « Faire semblant ». La révolte suscitée par la gouvernance de la France s'est caractérisée par le mouvement du 17 novembre, dit des Gilets jaunes, il faut le rappeler. Mais beaucoup de manifestations très cadrées, très pacifiques, avaient précédé ces actions spontanées d'un peuple qui ne fait plus confiance à ses élus, à ses élites, pas même à ses médias. Beaucoup ont compris que les actions classiques, relayées par certains partis politiques et les syndicats, quelquefois les associations, ne suffisaient plus face à un pouvoir déterminé à faire aboutir les réformes voulues par un pouvoir économique tout puissant qui impose des lois régressives et une austérité qui profite aux nantis. Les inégalités, rappelons-le, progressant au rythme d'un transfert des richesses vers le haut. Aujourd'hui, face à cette révolte du plus grand nombre de nos concitoyens, et pour gagner du temps, Macron, son gouvernement et sa majorité cherchent à gagner du temps par l'instauration d'un grand débat national, surtout à limiter les dégâts aux élections européennes. La question se pose aux militants associatifs, syndicaux ou gilets jaunes. Faut-il participer à ce grand débat canalisé dès le départ par Macron, qui n'entend rien changer à sa politique ultralibérale qui consiste à privatiser, faire régresser l'accès aux soins hospitaliers, à la justice, aux services publics de proximité en particulier, faire régresser les droits des travailleurs et des retraités, également le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Pour preuve non exhaustive de la volonté de Macron, il faut citer la réforme de la justice, déjà dans les tuyaux, qui restreindra l'accès à une justice équitable et fiable pour nos concitoyens justifiables. Toujours moins de moyens pour une justice déjà exsangue. Le plan santé, qui devrait être adopté dans la précipitation d'ici le mois d'avril prochain. Ce plan constitue une régression formidable pour l'accès aux soins des citoyens de la France rurale et montagnarde. À ce propos, rappelons qu'ADEMAT alerte les populations pour le devenir de l'hôpital de Remiremont et sur les conséquences sur une population vieillissante et fragilisée. Une nouvelle conférence débat aura lieu le 6 février à Rupt-sur-Moselle, mettant en exergue une fois de plus l'inégalité d'accès aux soins, surtout pour des Vosgiens où la mortalité est supérieure à la mortalité nationale. Les mesures envisagées sur les retraites sont elles aussi régressives. J'en ai déjà parlé lors de chroniques précédentes. Mais les choses se précisent. Sans entrer dans les détails, il faut s'interroger sur l'avenir de nos retraites par répartition, système fiable et solidaire, qui serait remplacé par une disposition de points de retraite. Cette disposition favorisant l'individualisme au détriment de la solidarité intergénérationnelle, avec le régime par points tel qu'envisagé pour le gouvernement, on peut craindre le pire. Que l'âge du départ à la retraite ne serait plus réellement défini, avec une pension à la carte selon les critères individuels de carrière. On peut craindre aussi que le montant moyen des pensions baisserait considérablement, ce qui limiterait le nombre de retraités à rechercher, nombre de retraités à rechercher une activité lucrative complémentaire, au détriment bien sûr du chômage, surtout des jeunes et des seniors. Des seniors qui sont encore en activité. Les pensions de réversion seraient considérablement réduites quand elles ne disparaîtraient pas. Toutes les garanties collectives liées au régime de retraite par répartition seraient amoindries et ou relèveraient d'un régime étatisé avec une garantie minimale, comme c'est le cas actuellement pour le minimum vieillesse, pour les basses retraites, avec reprise, bien sûr, des sommes versées sur les successions. Un régime de retraite proche de ceux qui ont été adoptés par des gouvernements ultralibéraux, avec pour conséquence une paupérisation avérée des retraités. Déjà amorcée, cette paupérisation, dans notre pays, dont les gouvernements ont choisi de restreindre le pouvoir d'achat des retraités depuis une décennie. Mais demain, avec la réforme Macron, ce sera pire pour les futurs retraités. À ce propos, il nous faut rappeler que cet après-midi se déroulera une manifestation à l'initiative de toutes les organisations syndicales de salariés, sauf la CFDT, qui semble jouer à division et ainsi conforter la politique gouvernementale qui joue sur la division, justement, pour imposer ces mesures régressives. Enfin, n'oublions pas les mesures qui se profilent à l'encontre des chômeurs, avec une réforme de l'assurance chômage qui obligerait les partenaires sociaux à prendre des mesures régressives sur le montant des indemnisations, après avoir favorisé les licenciements par la loi travail numéro 2, et permettrait également à l'État de prendre des mesures encore plus coercitives vis-à-vis des chômeurs, faisant disparaître des chiffres, nombre d'entre eux, à l'instar de ce qui se passe en Angleterre, ou plutôt en Grande-Bretagne. Alors, le grand débat, qui n'aura de grand que sa dénomination, puisqu'il est biaisé dès le début. Y participer ou pas ? Le choix n'est pas facile, car il constitue, qu'on le veuille ou non, l'occasion d'exprimer son ras-le-bol des mesures prises par le gouvernement actuel, sans concertation, et contre la plus grande partie de nos concitoyens. Cela peut et doit être l'occasion de démontrer le faux semblant de nos élus, qui semblent vouloir aller à la rencontre du peuple, mais ne tient aucun compte de la situation actuelle et des besoins des populations. Faire semblant semble la nouvelle devise de ces élus, macroniens de la République en marche arrière, républicains qui demandent encore plus d'austérité et du Rassemblement national qui appuie et réclame encore davantage de lois coercitives à l'encontre des manifestants et ou de moyens à une politique répressive qui a déjà provoqué 12 morts et une centaine de blessés parmi les gilets jaunes ou du public. Une sauvagerie qui est spécifiquement française, avec l'utilisation d'armes qui sont prohibées dans d'autres pays. Cette sauvagerie est celle d'un pouvoir de plus en plus autoritaire que l'on peut penser effectivement aux abois. Ça laisse mal augurer du débat européen, parce que là aussi, il y aura un débat pour les européennes, hein, en sachant bien que l'Europe aujourd'hui est divisée et particulièrement et a de particulières difficultés à gérer les contradictions nées d'une politique antisociale européenne. Et hélas, on peut craindre le pire dans ces élections européennes. Voilà, je tenais simplement à parler de ce grand débat, hein, en sachant bien que ce grand débat est il va être plutôt difficile, puisque de toute façon, il n'y a pas de commune mesure entre ce que prévoit le gouvernement actuel, hein, Macron en tête, et puis ce que veulent véritablement les Français aujourd'hui. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. N'oubliez pas d'aller manifester et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.